Bertrand, quand t'as voulu corriger cette gare, cette infamie qui était si si froide, si femme, tu n'as pas pu la contrôler. Ton énorme force t'a point aidé, mais c'est pas toi qui l'as tué, mais c'est trois gouttes de Ricard frais qui tant de doutes t'aura causé. Dans cette prison nauséabonde, tu n'es plus vraiment James Bond, et Black Bébête dont tu es soumis, une savonnette, une sodomie. Une sodomie.